إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فبفضل الله تعالى وبما من علينا من نعمه الكثيرة التي لا تحصى أن ندخل في ذلك اليوم في هذا الكتاب الذي هو شرح لذاك المتن المشهور المعروف المبارك المسمى ب المقدمة في النحو يعني الأجرومية متن الأجرومية qu'on va commencer à partir de ce jour du charh simplifié du frère Malik Abu Anas al-Mahdhari Abizallahu ta'ala qui est parmi les toulab dans le hadith de Dammaj et ce charh a eu un grand kaboul depuis sa diffusion et a reçu des éloges de Cheikh Mokbil rahmatullah ta'ala alayhi et de Cheikh Abu Bilal qui est aujourd'hui une référence en Nahou à notre époque, une ulama sunna fil Yémen, également de Cheikh Yahya al-Hajouri, Hafizallahu ta'ala. Tout sauf une éloge de ce livre, qui est à la base, yani, ulifa l'ajli badiyin, pour les débutants. On avait commencé à Sana'a, à le faire, et qaddarallahu ma shaa fa'al, yani, la série de cours est interrompue pour des événements assez tragiques. Et j'ai eu l'occasion à maintes reprises de faire à Dammaj ce charh-là ou d'autres. Ou d'autres kutub dans le Nahou. Et là, on va reprendre. Maintenant, kama yu'lam, an hada al-ilm, wa ma'khouz min ulum al-arabiya, al-lugha al-arabiya. Et cette langue arabe, on le dit, on le répète, la meilleure façon de l'assimiler, c'est que l'arabe. Que ce soit la langue arabe ou autre, la meilleure façon d'assimiler une langue, c'est de l'apprendre par elle-même. Les gens se fatiguent à vouloir tout traduire dans ce genre de ulum, tous les termes, tous les mots, et ça, en réalité, c'est un tarbe pour lui et pour le talib. La plus simple façon de l'enseigner, c'est de lui faire en arabe et de lui expliquer les termes en arabe et le stilahat en arabe. Donc de là, ce ders, on va le faire beaucoup en arabe. Il faut que celui qui veut profiter s'accroche. C'est pas on te met tout sur un plateau, on te donne tout à portée de main. Faut faire des efforts. Faut aller chercher la chose. Les salafs, rahmatullah alayhim, voyageaient des mois entiers à pied pour un hadith. Aujourd'hui, tu fais un ders de langue arabe. Tu parles trop en arabe, les gens se plaignent. Il y a trop d'arabe. On dit, bah, c'est là, t'es là pour apprendre la langue arabe. T'es pas là pour apprendre le français à la base. Donc, ce que tu veux apprendre, on te le donne. Donc, il faut que les gens fassent des efforts. Et s'efforcent, parce qu'ils comprennent pas des mots, prendre le dictionnaire, aller chercher, ou interroger des gens qui connaissent ce qu'il faut arabophone autour d'eux. C'est pas, on te donne tout, tout, tout. Le ilm, il y a tâche, il est sobre, et il y a quelque chose de tard dedans, de la fatigue, obligatoirement. Donc, nous, le livre, on va indiquer ce qu'on peut en français, quand même. Les istilahs intéressent en arabe. On ne va pas s'amuser à traduire les termes en arabe, les terminologies dans le Nahou, car ça, c'est une chose qui est vraiment absurde et qui ne sert à rien du tout. Traduire les mots comme marfouat, mansoubat, mafoulbi, tout ça, ça ne sert à rien du tout. Car ces mots-là, tu vas les comprendre en arabe et tu vas les trouver en arabe et tu vas les utiliser comment ? Tu les utiliser comment ? En arabe. Non. Donc là, on va entrer dans le kitab al-mubarak qui est un kitab indétournable pour ce qui est d'apprendre les usul fi ilm al-nahw, que la langue arabe, c'est pas que le nahw, il y a différents ulum dans la langue arabe. T'as le sarf, t'as le balara, t'as l'imla, t'as le ta'bir, t'as le shi'a, t'as différentes choses. Là, c'est le nahw en soi. والنحو هو لغة بمعنى المثل أو القدر يعني تقول سبت أساس الديركسيون تقول مشيت نحو المسجد جيت إلى المسجد هو التمثيل تشبيه تقول زيد نحو عم كزيد ressemble à Amr, il est comme Amr. Pour les Arika, il y a d'autres marani. Ou à Fidustilah, Fidustilah, ou à Piyak wa'idu yu'arafu biha ahwal awakhir kalem i'araban wa bina'an. Ce sont les règles par lesquelles on connaît la harakat à la fin d'une kalima pour savoir son statut grammatical. تقريبا وبهذا الإعراب يعلم معنى هذه الكلمة في هذه الجملة لماذا أقيمت هذه الكلمة في هذه الجملة on dit pas que tu connaîtras le sens du mot mais tu connaîtras son statut grammatical dans la phrase à quoi il sert d'accord contrairement à la langue française le statut grammatical il se connaît par l'emplacement du mot où est-ce qu'il est en langue arabe non c'est par rapport à la harakat à la fin du mot ou le harf qui est à la fin du mot, qui te dira ce mot-là, c'est quoi son i'rab. Donc, tu arriveras à déduire c'est quoi le sens de la phrase. Maintenant, il y a certaines kelimates qui ont un emplacement khas, spécifique, certaines. Mais c'est le fa'il, le sujet, tu ne mettras pas avant un verbe. Mais c'est la langue arabe, ça n'existe pas. Mais la base, c'est que tu connaîtras le fa'il par son i'rab, qui est marfour, mathalan, ou ghalizalika. Comme on va comprendre à travers le livre. Taïb. فبدا المؤلف الشارح بتعريف الكلام la définition du kalam on appelle également الجملة المفيدة الجملة المفيدة قال المصنف رحمه الله تعالى ألف المتن أولا الكلام هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع الكلام c'est le terme qui est assemblé au sens profitable par le wada, c'est-à-dire la langue arabe. Qara fi sharh badal musannifu rahmalahu ta'ala bi ta'rif al-kalam lianna an-nahwa li iqamat al-kalam. Donc le musannif a commencé par définir le kalam car le nahw est venu pour madha fahm al-kalam. فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع فلابد أن يجتمع في الكلام أن يجتمع في الكلام أربعة أمور الكلام تغربي كاتش وكسوا كلام أولا أحدها أن يكون اللفظ كسوا لفظ ما معنى اللفظ أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية استدير un son prononcé basé sur les حروف الهجائية أليف با تا ثا جيم حا خا الى اخره donc ça c'est exclu quoi love ishara un geste ou kitaba ce qui est écrit c'est pas un love ou ce qui est écrit par d'autres حروف que les حروف الهجائيه par les lettres de l'alphabet ou ذلك c'est pas un love الثاني ان يكون مركبا qu'il soit assemblé أي مؤلفان من كلمتين أو أكثر دو دو مو أو بلوس أكثر شيء كلمتان وهذا أخذناه متى تذكر نقصة في أصول الفقه سي تقارب سوا سوا دونك سي تشوف اللفظ سول داكور سول سي با كلام مفيد سي با فوا سي با كلام سي با جملة مفيدة لو قيل لك زيد واحد هكذا زيد توصل c'est pas un câlin. C'est un love, c'est pas un câlin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sens. Ou du moins, il n'est pas assemblé d'autres mots. On va dire comme ça. Le sens, ça va venir maintenant. Un salif, c'est un yakuna murak, ou un yakuna mufida. C'est-à-dire qu'il a un sens. Et, yahsunu sukut et mutakallim alayhi. Ma'ana, wahid et takallim, il parle, il dit une jumla, après il s'arrête. Quel est mufid? C'est-à-dire qu'il s'arrête, sa jumla, elle est mufida, elle est comprise. Wahid yakullak, ja'a zaydun. Zayd est venu. Il s'arrête. Hel yartaj il est mazid? Pas besoin d'autre chose. Zayd il est venu, j'ai compris. Et en même temps, c'est un love, Zayd et Ja'a, et Murakkab bin Kalimatayn. Murakkab, il y a Ja'a, il y a Zayd. Deux mots. D'accord? Donc c'est un kalem. La kilo koul kilalek, par exemple, إذا جاء زيد ثم تقف. Si Zayd il vient, tu t'arrêtes. Al hada mufid. Hada love, صح? Naam. Murakkab. Il y a plus de mots. Est-ce qu'il est mufid? Il est déjà à Zayd, comme un kif. Il manque quelque chose. C'est pas un kalem qui est moufid. Donc ça s'appelle pas ça un kalem. Arabi, quatrième chose, an yakuna bil wad. Ay, bil wad al-arab, bien yakuna min kalamihim. C'est-à-dire qu'il soit employé que les termes utilisés par les arabes dans leur langue. Ce qui est autre que la langue arabe ne rentre pas dedans. Tu veux qu'une autre langue, la langue arabe, c'est pas de kalam. قال نحو قولك العلم نافع. Exemple. العلم نافع. La science est profitable. هذا كلام. C'est un kalam. Pourquoi? أولاً علم love. نافع love. Les deux sont des love. ثانياً مركب. L'assemblée. Quel est le kalima? On a combien de mots? Deux. Ilm, nafi'a. Kadalik, mufid. Si on dit ilm, nafi'a, on s'arrête derrière. Il y a un mazid, il y a un mazid, il y a un mazid. Il y a un mazid. Et ilm, min kalam al-arab, ça, comme il fait partie de la langue arabe, et nafi'a kadalik. Fahada yusamma kalaman. On peut dire également jumla mufida. مفهوم هذا ونحق لله تعالى وكلم الله موسى تكليما et que Allah a parlé à Moussa de vive voix. C'est un kazalik, un kalem. On a tout les chouroutes sont réunis. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par les attentions. هذا كلام مفيد. Toutes les chouroutes sont réunies. Maintenant on va faire des petits exercices تمارين حتى نرى هل هذا مفهوم أم لا. يعني يقول ذو علامة أمام كلام نحوي وعلامة أمام غيره. Tu fais un signe devant ce qui est un كلام نحوي, un كلام, et celui qui ne l'est pas. إذا بدأ الدرس, si le درس commence, هذا كلام نحوي أم لا؟ C'est un كلام نحوي ou pas؟ إذا بدأ الدرس, si le درس commence. ليس بمفيد. نعم. C'est à cause que c'est pas مفيد. Pourquoi la phrase n'est pas complète. ثانيا, المستشار Mu'tamin. C'est-à-dire celui que tu consultes doit être de confiance. Hada kalam, na'am. Pourquoi? Mustachar, love. Mu'tamin, love. Hada, yani, murakkab, on a deux mots. Tamam. Et c'est mufid. Si on s'arrête, la phrase elle est complète. Wabilwad, kalam al-arab. Après, il veut que tu mettes d'or kul kelimatin min kelimat al-atiya puis kelim nahwi murakkab min kelimatayn. Adi kelimat, les mots que tu as là, tu rajoutes ce qu'il faut pour en faire un kelim. Je peux changer l'ordre. Hein? Je peux changer l'ordre. Andak Zayd, monsieur. Zayd rajoute ce qu'il faut pour en faire un kelim. Zayd. Zaydun kabirun. Aïwa. Hada kelim. Al-maktaba. Qarib min al-masjid. قريبة. نعم. هذا كلام. الشمس صلي. الشمس تجري. الشمس تجري. نعم. صلي كيبوج. نص الكلام. نعم. ونبقي الكلام. ثم نخوض بماذا يتكون هذا الكلام. كيف يتكون الكلام. ما يأجز كلام. قال المصنف في المتن في الأجرمية. وأقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. Trois catégories. اسم un nom, soit un nom. فعل soit un verbe. أو حرف soit un حرف. جاء لمعنى أي un حرف qui a un sens. Un حرف qui a un sens. On va expliquer ce que ça veut dire par là. قال في شرح بينا المصنف رحمه الله تعالى أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامه وفي كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاث أشياء الاسم أو الفعل أو الحرف كل الزعب لسكيل بار الكلام تتكون من ثلاث أشياء trois choses seulement سواء اسم سواء فعل سواء حرف il y a pas quatrième chose. On a ce qu'on appelle isme fi'al, mais c'est dans le prisme de isme. C'est un nom qui a sens de verbe, mais c'est un nom. Donc, quoi isme? Taïb. Thumma bada bil ism. Ta'arifuhu. Awalan fil loga, al ism ma zakara huna. Logatan, ça veut dire quoi isme? Ma dalla ala al musamma. Ma dalla على المسمى يعني chose qui indique ce qui est dénommé le nom c'est ce qui indique la chose dénommée ou nominée si on peut dire comme ça مثلا انت si ton nom c'était زيد زيد يدل على ماذا عليك يدل على الشخص الذي اسمه زيد واصطلاحا Dans la terminologie, c'est quoi ? Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha wa lam taqtadin bi zaman. On l'a pris dans le fiqh kazalik. C'est un mot qui indique un sens en lui-même, sans être lié au temps. Yani, c'est pas lié au passé, ni au présent, ni au futur. C'est pas lié au temps. Donc, il est là, مثلاً, bayt, bayt, une maison. Bayt, yadoul ala zak al-masken, le foyer. Est-ce que c'est lié au temps ? Là, pas besoin de temps pour savoir qu'un bait c'est un bait. Comment ? Taïb. Quand le mythal ou exemple, Zaydun, ism rajul, nom d'un homme. Wa faras. Faras c'est un cheval, une monture. Rasfour, un moineau. Zahra, une fleur. Bait, comme on l'a expliqué, une maison. Zakaoun, intelligence. Là, l'exemple qu'il donne, c'est pourquoi Zayd, un homme. فراس ان انيمال رسول كذلك زهراء ان بلانت بيت ان اوبجي ذكاء ان شوز كي ابستريت انتيليجنس كل هذا هذه اشياء اسماء فكل واحد من هذه الالفاظ يدل على معنى يفهم من نفس الكلمه وهذا المعنى قد يكون لشيء مخصوص بان يكون ذات انسان كزيد او حيوان كفرس او طير كعصفور او نبات كزهره أو جماد كالبيت. دوك لا كما on vient de me dire tous ces termes qu'on vient de prendre c'est alfaz. Alfaz c'est le terme de love. Démontre ces choses là. Zayd c'est un homme. Faras c'est un cheval. Osfour c'est un oiseau. Zahra c'est une plante. Bait c'est un objet. Zakia c'est une chose abstraite. أو يكون لشيء معنوي غير محسوس يدرك بالعقل كالذكاء والشرف والعلم فكل كلمة دلت على ذات أو معنى ولم تقترن بزمن فهي اسم donc ce nom là on l'attribue pour toute chose une chose abstraite ou concrète quand même concrète comme bait abstraite comme zaka l'intelligence ilm la science فهمت النية l'intention les choses qu'on ne peut pas toucher qu'on ne constate pas. Ce sont des choses qu'on connaît et qu'on ressent. Fumada, pareil. Donc, Awalen, ça c'était اسم ثم قال الفعل لفعل الفعل لغة ما دل على الحدث ce qui indique une action ce qui indique une action تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن donc son définition ensemble de celle du ism لكن في فرق il y a un فرق à la fin c'est un mot qui indique un sens en lui-même mais qui est lié au temps le verbe est lié au temps هذا معروف مثاله قام يقوم قم قام qui veut dire se lever au passé يقوم présent مضارع قم ça c'est l'amr mais le amr c'est pas un temps on avait vu ça c'est un qisme du verbe c'est pas un temps le temps ce serait le mustaqbal le futur قال فكل وكل واحد من هذه الالفاظ يدل على معنى في نفسه وهو الحدث donc tous ces termes là qu'on vient de prendre قام يقوم قم sont des alfaz qui indique un sens en soi-même et qui est l'action. Quelle action ? Al-qiyam, de se lever. Wa muqtarinun bi zaman. Fa qama tadullu ala al-hudouth, al-hudouth al-qiyam fi zaman madi. Donc qama ça démontre le fait de se lever quand ? Au passé. Yaqum tadullu ala hudouth al-qiyam fi zaman al-hadir. Yaqum c'est le fait de se mettre debout à quel moment ? حاضر مضارع حاضر سيجاء من نو أو مستقبل الفتر كا en langue arabe الحاضر مستقبل الحاضر مضارع ce qu'on appelle le verbe présent peut avoir également un sens le futur il y a des indices qui vont arriver qui te démontrent qu'on veut le futur par là il y a des indices qui te montrent ce qui est voulu par là c'est le futur ça va arriver inshallah ta'ala وقم تدل ولا طلب القيام في زمن مستقبل Le fait de dire « qum », c'est-à-dire « lève-toi », l'am, c'est quoi ? C'est le fait d'attendre que tu te lèves dans un temps futur. « Ala wal asl », ça c'est la base. « Fakullu kalimatin dallat ala hadath fi zaman fahiyya fi'alun » Toute parole, tout mot qui a un sens d'action lié au temps, on appelle ça quoi ?« Fi'al ». »« Ala wa fi'alun » Qal, fa'il fi'alu » ينقسم الى ثلاثه اقسام الفعل الى ثلاث كاتيجوري انا في التنبيه فرق entre اقسام وازمنه لي طون لا يت دون دي كاتيجوري دو فعل ليس الازمنه سي با لي طون لي طون كيف كو سونتيل ماضي مضارع والمستقبل هذا سون لي طون دو فعل لو باسي لو بريزون لو فيتور Maintenant, les aqsam, ce qui est lié à comment conjuguer le verbe et ses règles, ça, ce qu'il va citer maintenant. Différencier. Dedans, on en a deux qui sont liés au temps, et le troisième, c'est autre chose. Al-awwal ma'adhi, qui lui est un qism du verbe, mais également un temps du verbe. Huwa ma dalla ala hadath waqa'a fi zaman al-ma'adhi. Donc, c'est ce qui indique une action qui a eu lieu en passé. Mithlu kataba safara Salla. Il a écrit, il a voyagé, il a fait la salat. En langue arabe, on n'a pas d'infinitif, fil le fi'al, contrairement au français. En français, un verbe, il vient à l'infinitif. Par exemple, tu veux dire manger, manger. À la fin, er. C'est un verbe, il est neutre, il n'est pas conjugué. En arabe, quand il vient le verbe, il est conjugué. Kayf yati, bil mardi, bi, al rahib, al muzakkar, al mufrad. Il vient au temps passé, conjugué à la troisième personne du singulier. C'est-à-dire « il ». Il n'y a pas d'infinitif. Le verbe, il vient toujours comme à cette forme-là. Ça veut dire « kataba », ça veut dire que « kataba » là-bas, c'est « il a écrit ».« Safara », il a voyagé. « Salla », il a fait la salat. Après, on se le présente avec quoi ? Le mudhariya. Et après, on se présente quoi ? Son masdar. Ça va arriver le masdar, inshallah. Mais ça veut dire, dans le dictionnaire, tu cherches « kataba », tu vas trouver « Kataba yaktubu tayyib kitabatan kataba yaktubu kitabatan tu vas trouver comme ça en général dans les dictionnaires donc ça c'est le premier qism madi athani mudhali ce qu'on appelle le présent. On a expliqué, c'est un qism et c'est également un zaman, c'est un temps. Wa ma yadullu wa la hadath wa yaqa' fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. C'est une action, ce qui démontre une action qui s'est déroulée fi al-mudhari' fi al-hadir, en présent maintenant là, aw fi al-mustaqbal, le futur. Car le verbe, comme on l'a expliqué, mudhari' peut avoir un sens du futur. Misal, yaktubu, yusafiru, yusalli. Yaktubu, c'est le mudhari' de kataba. Yusafiru, c'est le mudhari' de safara. Yusalli, c'est le mudhari' de salla. Wa al-qism al-thalith, qui lui n'est pas un zaman, qui n'est pas un temps, mais un qism, c'est l'am, ce qu'on appelle l'impératif, l'ordre. وهو ما دل على حدث يطلب حصوله في زمان المستقبل. C'est ce qui indique une action que l'on désire. Voyez, que l'on désire dans le futur. مثلا اكتب, qui veut dire écrit, qui est le amr de كتب يكتب. سافر, qui est le amr de سافر يسافر, qui veut dire voyage. Ou salli bidunya, qui est le amr de salla ou salli salli. Un truc qu'on peut ajouter dans le amr, c'est quoi? C'est également, ce n'est pas forcément que le futur, mais également que tu continues l'action que tu es en train de faire. Hadath ou yutlab istimraruhu. Allez, yutlab istimraruhu. Mathalan, tu es en train d'écrire. Anta taktub. Akhouya, oktub, oktub. Continue d'écrire. Continue d'écrire. والدليل على هذا قول الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله. Ô toi le prophète, crains Allah. Est-ce qu'il ne craignait pas Allah avant qu'Allah ne dise ces paroles-là? Il craignait Allah, pour dire استمر في التقوى. Continue dans la taqwa. Donc là, c'est le fi'l qu'on a appris là maintenant. Le fi'l avec ses accents, et on a rajouté nous qui n'est pas dans le livre, les azmina, les temps. Tayyib. Al-qism al-thalith min al-kalima al-harf. Al-harf. C'est quoi le harf? Ta'rifuhu. Al-harf lughatan ma'na al-taraf. Il y a le bout d'une chose. Wa-istilahan. هو كلمة دلت على معنى في غيرها. On l'avait pris dans l'usul al-fiqh. C'est un mot dont le sens apparaît autre part, pas en lui-même. مثاله لم وفي وهل. Les trois, هذه ثلاثة يحرف. يحرف. طيب, لم c'est un harf qui rentre dans le fil mudhari qui amène au passé. On va le prendre inchallah dans le jawazim. Mais ça n'est pas cool. Kataba. Vous voyez, kataba, c'est-à-dire, il a écrit. C'est quoi le mot d'Ali? Yaktub. Si tu rentres l'em, tu dis l'em yaktub, ça veut dire, il n'a pas écrit. Ma'na ma kataba. Nefs ma'na. Donc l'em, son sens il apparaît dans quoi? Dans le verbe qui vient derrière. Fi, c'est un harf jar, comment on va les prendre, qui veut dire dans, parmi les ma'ani de fi. On met le sens dans. Salam takoul. Zaydoun fil beyti. Zaydoun est dans la maison. Si on te dit fi tout seul, hello ma'na. Lakin zekile lak. Fil beyt. Hello ma'na. Naam. C'est-à-dire, le sens apparaît dans quoi? Le mot qui vient derrière. Dans la maison. Wa hel ada harf istifham. Pour les questions interrogatives. Zekile lak, mathalan. Hel wahda akada. هل يفهم منه شيء؟ ما يفهم. هل زيد قائم؟ Est-ce que Zayd est debout? Elle en يفهم. Le sens apparaît où? Dans la phrase qui vient derrière. Donc, mille bihada, قال, فكل واحد من هذه الألفاظ حرف. يعني لم وفي وهل. يدل على معنى. وهذا المعنى يظهر في غيره فقط. Ça, on vient de l'expliquer. فلم معنى معناها النفي وهذا النفي لا يظهر ويتضح حتى تضمها إلى غيرها فتقول لم يكن زيد وكلمة لم دلت على نفي قيام زيد Let's come explain an instant. كل حرف معناه يظهر في غيرها فيما يأتي بعدها. فكل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. Donc tout mot dont le sens apparaît dans autre que lui, dans autre chose, a un حرف. تنبيه lorsqu'il a dit au début pour revenir. قال dans le متن وحرف جاء لمعنى. حرف جاء لمعنى. Ça veut dire quoi ça? أن الحروف على قسمين. الحروف على قسمين. Ce qu'on appelle حرف, il y a deux formes de حرف. T'as le حرف qui est مباني, comme le حرف جائية. Alif, ba, ta, sa, jim, إلى آخره. Ça s'appelle حروف. Mais n'ont pas de sens en elles-mêmes. Laisse à la معنى. Juste on s'en sert pour composer des mots. فهمت هذا؟ Ça c'est le premier genre de حرف. Lui, c'est pas ce حرف-là qu'il veut là. يريد القسم الثاني حروف المعاني. Lui, il veut حروف المعاني. C'est-à-dire les حروف qui ont un sens, même si ce sens apparaît dans autre chose. Comme ce qu'on a pris là maintenant. لم, وفي, وهل. Ça s'appelle des حروف également. Donc bien différencier entre les حروف qui sont ce qu'on appelle en français les lettres et les حروف qui sont elles-mêmes des kalimat en arabe qui ont un sens qui apparaît dans autre chose. Mais elles sont elles-mêmes une kalima. Elles sont elles-mêmes une kalima. Ama alif bata, ça c'est pas des kalima. C'est des حروف, toutes seules. Ama fi, kalima. Lam, kalima. Wa an, kalima. Ils ont des mots. En eux-mêmes. Donc là on a pris les trois aqsam du kalam. Un kalam se compose de ces trois choses forcément. Pas quatre, pas cinq. Soit ism, soit fi'l, soit harf. Donc tu auras soit ism ma fi'l. مثلا جاء زيد. Ça c'est quoi? C'est quoi ça? أيوة جاء زيد. زيد est venu. هذا كلام صح؟ C'est du mot mufida. Tu peux avoir ism ma ism. زيد قائم. زيد est debout. تمام؟ أما مع حرف ما يوجد. Ça sera soit deux noms ensemble ou soit un nom et un verbe. أما si un حرف, il y aura forcément une ziyada. Tu n'auras pas deux choses avec un حرف, il y aura forcément une troisième chose. Si jamais tu vois un حرف tout seul qui vient, c'est qu'il y a un takdir. Une phrase qui a été enlevée, sous-entendu. Salen, هل أنت مسلم? Est-ce que tu es musulman? Tu vas dire نعم. Ton نعم, ça veut dire quoi? نعم, أنا مسلم. Tant que dire, c'est quoi, sous-entendu? Oui, je suis musulman. Seulement, on a enlevé, un musulman. Mais na'am tout seul, c'est pas un kalem. Ouais, c'est pas un kalem. Le kalem, c'est quoi? Un musulman. Mais il a été enlevé. Fakat. Ou comme des fois, on a expliqué, tu auras un mot tout seul qui viendra. Ma smoke, d'accord? Zayd. Quelqu'un va dire, ah, Zayd, c'est un kalem, non? Zayd tout seul, c'est pas un kalem. Mais tant que dire, c'est Ismi Zayd. Mon nom est Zayd. Ismi a été enlevé. Mais tout seul, si bien tout seul, c'est pas un kalem. Car le kalem, on a dit quoi? Shurut murakkab. Composé. Al akal min shay'ain. Imma min ismain ou min ism wa fi'l. Taïb. Donc on apprend aujourd'hui le kalem. Et de quoi il se compose? En langue arabe, on n'a pas appris ces choses-là. Là, on va lire. Al aya. Wa yurid min kata jid fiha. Thalatha asma. ثلاثة أفعال وثلاثة أحرف. Tu trouves trois noms, trois verbes, trois حروف. قال الله عز وجل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فمن هنا نريد منك que tu trouves الأولين ثلاثة أسماء. Trois noms. تفضل. رب. قلم إنسان أحسن الآن ثلاثة أفعال قضيب اقرأ فعل أمر علم ماضي يعلم لم يعلم مضاليه من كاسونس دو باسي واحرف ثلاثه ضمير اسم ومالي بوان ان شاء الله بي يعني بالقلم بي نعم حرف جر احسنت نعم لكن سوف نتبدأ لو بحرف واحدة ما ما لا ما لم يعلم لا اسم موصول لم لم نعم بقي الثالث في الآية الأولى و الواو نعم مفهوم هذا وفي الدرس الآتي إن شاء الله prochain درس نقول العلامات ونقول سيكوا اسم une fois qu'on a appris سيكوا كلام au moment de Takawan, de quoi est-ce qu'on pose, pour se reconnaître ces choses-là. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce que tu as dit à cette isme ? Qu'est-ce que tu as dit à cette fiel ? Qu'est-ce que tu as dit à cette harf ? L'aramat. Amen ? Hada. Ma foumala à la derse ? Fais-le au nasr, wa nakawa bihamdik, la ilaha lantastafiouka wa tubu laik.